Dans l'épisode précédent... À la grande surprise des Cardos, les travaux pour la construction de leur résidence débutent en temps et en heure. Mais qu'est-ce que vous faites ici si tôt? Les travaux d'installation. Nous tenons à respecter les délais. Notre renommée est en jeu. Hélas, ayant investi tout son argent dans le palais de ses rêves, Victor, le patriarche, ne peut soigner son fils qui agonise au milieu du chantier. Tu sais bien qu'il ne faut pas m'énerver. Mon cœur pourrait s'arrêter d'une seconde à l'autre. Je ne peux plus faire l'amour. Mais par chance, la découverte d'une mystérieuse fontaine permet de sauver Marc, qui ingurgite une eau magique qui le soigne miraculeusement. Je sens la vie revenir en moi, comme si mes organes repoussaient de l'intérieur. Je me sens bien, je vis, père, je vis. Voici le 11e épisode de votre série Demon Vegas, épisode intitulé « Retour aux sources ». Cette eau est vraiment incroyable. Elle a guéri ton frère. Je suis sceptique. Peut-être qu'il connaît simplement une rémission avant la mort. Ça fait 30 minutes qu'il gambade dans les collines de notre propriété. Cette fontaine est vraiment miraculeuse. Je vais le faire examiner par un spécialiste de la ville. J'en aurai le cœur net sur cette guérison. Comme tu veux. Mais je compte bien exploiter cette source providentielle. Monsieur Cardo. Monsieur Corleone. Nous avons fini la construction de votre résidence. Elle semble tout droit sortie des falaises idylliques. Voyons ça. Derrière vous? Ah oui, tout en marbre rose. Elle brille de mille reflets, c'est magnifique. Vous avez fait un travail incroyable. Les palais à portée de main donnent toujours entière satisfaction à leurs clients. Et j'ai fait graver sur l'entrée principale Cardo Pincastel. Le rose château des Cardo. Une nouvelle virginité pour notre gloire. Il me suis permis de prendre un peu d'eau de votre fontaine pour mon fils qui est malade. Tu sais ce qu'il en coûte? La santé n'a pas de prix. Mais il est très malade. Je suis prêt à faire un geste, d'autant que j'ai constaté dans ma propriété l'absence d'écurie pour mon cheval. Tu y remédies, tu auras une pleine bouteille. Je vous bâtirai des écuries à faire pâlir les émirs du Qatar. Bien. Bonjour. Bonjour docteur, je vous amène mon frère, Marc. Un de vos confrères l'avait plus ou moins opéré pour extraire quelques-uns de ses organes en contribution d'un peu d'argent. C'est illégal, enfin. La misère devrait l'être aussi, et pourtant... Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Eh bien, depuis quelques heures, il semble connaître une nouvelle jeunesse grâce à une eau qu'il a ingurgitée. Je voudrais savoir si réellement cette boisson l'a guéri ou si c'est juste une petite accalmie dans sa terrible descente vers la mort. Je veux que vous l'examiniez. Ah non, Paul! Plus aucun docteur ne m'approchera! Je ne me suis jamais senti aussi bien, et je veux que cela continue. Je ne vais pas vous faire de mal, juste une petite auscultation. Employez la force s'il le faut, mais je veux connaître les raisons de sa guérison. Ne me laisse pas! Au même moment, dans la propriété des Cardo. Monsieur Cardo, je viens de finir les écuries. Je peux prendre un peu d'eau pour mon fils qui est malade? Chose promise, chose due. D'autant que c'est grâce à vous qu'on a découvert la fontaine de Jouvence. Si votre pelleteuse n'avait pas heurté l'entrée de la source, nous ne serions pas, comme on dit, source de tant de convoitises. Merci. Oh, une dernière chose. Est-ce qu'il y a la télévision dans cette maison? En bas, nous avons installé tout un dispositif home cinéma, écran 7 mètres, avec son Dolby Surround multidirectionnel. Vous me plaisez beaucoup. Les nouvelles de Demon Vegas. Depuis quelques heures, la ville du luxe est en prise à une grosse catastrophe sanitaire. Alors que les sous-sols regorgent de pétrole, il semble que ce soit l'eau qui vienne à manquer. On écoute la déclaration du maire qui n'est pas très optimiste. Les canalisations ont perdu énormément de pression. Nos spécialistes tentent de résoudre le problème, mais j'ai dû prendre des mesures exceptionnelles. Dont l'annulation du 5e concours de t-shirts mouillés. Oh, et ce, horrible. Dans un souci d'économie d'eau. Des nouvelles bien dramatiques. Ils n'ont plus d'eau. Au moment même où je viens de trouver une source de jouvence. La source de ma fortune! Je vais appeler Paul pour savoir si cette source a été capable de guérir Marc. Oui, allô? C'est moi, Victor! Comment va Marc? Les docteurs viennent de pratiquer différents scanners, des radios. Ils ont même fait des photos satellites, mais il semble que mon frère soit miraculeusement guéri. C'est grâce à l'eau, ce qui prouve son immense pouvoir de guérison. Et les immenses profits que nous allons réaliser grâce à elle.